cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. ذكرنا في المقدمة أن الإمام الشوكاني رحمه الله حصلت له أخطاء في بعض الكتب كالدر النضيد وفتح القدير وغيرها، ونحن ذكرنا أن الإمام المعروف بالسنة إذا أخطأ فيجتنب الخطأ، وإذا مات وكان معروف بالسنة يعتبر من أئمة السنة. ونقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في هذا، لأننا بالستة هذا بدون كلام أهل العلم. أولا دير مثلا الإمام الشوكاني ستخنبي لفن خطأ سبان تنقص فيه أبدا. قال الشيخ ربيع حفظه الله: الصحابة نذكر محاسنهم ولا نذكر شيئا من مثالبهم. الآن يدن دي قواعد في المنهج، دي قواعد في المعاملة مع المخطئ، أما الصحابة لا حاجة تسيد لغزغوه. قال: وأما أهل البدع والضلال فنذكر بدعهم ونحذر منها. أما أهل البدع فتسيد لغ بدع لغ مخالفات سنسيتي لغ حسنات، أي في باب الرد ديكون رد ديكون موت حال دا ممتجع فانسيت سي أخطاء. طب نوندير كيف الصلاة لا في الحج لا في الصيام في قيام الليل، هذا في مقام الرد سبا مناسب. قال: وأما أئمة الهدى فإنهم إن أخطأوا نبين أن هذا خطأ مع احترامنا وتقديرنا لهم. أما علماء السنة متيسا خطأ، مثلا الإمام الشوكاني ستخبي في هذه المسألة تحذيرا من الخطأ با من الشخص ومن با نقعد خطأ بيغسل الآن، لكن وما نقعد خطأ خطأ مثلا الخطأ في التوسل وما نقعد، لأن السبي كيف خطأ إلي على خطر. قال: حبنا لهم لا يجيز لنا أن نروج لأخطائهم ونقول إنها حسنات، سبا من العدل تلما قلنا الإمام الشوكاني مثلا أجلاء لا سبا خطأ، سبا من النصح للمسلمين، لكن النصح لله يقتضي منا أن نبين خطأ هذا المسلم الذي نحبه ونجله. قد يقول قائل: pourquoi on dit pas que c'est un مبتدع؟ أن من وقع في بدعة يسبطس على درجة واحدة، كما قال الأخ: ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. لا، هذه سبب من قواعد أهل السنة أبدا. tu peux avoir une personne qui fait une بدعة c'est un مبتدع. tu peux avoir une autre personne qui fait une autre بدعة أو une بدعة c'est pas un مبتدع. قال الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله: من وقع في بدعة فعلى أقسام، أي ceux qui tombent dans une بدعة il y a plusieurs catégories. قال: القسم الأول أهل البدع كالروافد والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية والمرجئة وما يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. نعم، لأن الإمام فبارتجن فرقة ضالة، مثلا خارجي أو صوفي الآن يفون دي بدع ليل نهار، on dit pas là il faut إقامة الحجة، لا c'est un مبتدع، il est compté parmi eux les têtes et les suiveurs c'est des مبتدع، لأن هو أصلا il est pas dans السنة. قال: فالرافدي يقال عنه مبتدع، فالرافدي مبتدع بدعة كفرية، حتى لا بدعة الآن يا تفصيل سبيت بدعة كيف سقطت من الإسلام كبدعة الرب، يكفرون الصحابة يطعنون في عائشة لا يؤمنون بالسنة، فهذا لا شك أنه سيكون. قال: والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء قيمت عليهم حجة أم لا. ففي هذا الحال أبيغسل مثلا صوفي معروف بالصوفية مشايخ صوفي ليدريف دو صوفي يسوي لغرب صوفي يفين بدعة توسل مثلا ونجيبها لا فهو إقامة الحجة عليه، لا إلي كنت من المبتدعة إلي كنت من أهل البدع، لأن أصلا ولاد الغرب. هذا القسم الأول. القسم الثاني: من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن، سبيتكم أصبح حكم هذا إلى من أهل السنة، لكن إذا فين بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن. السني مثلا دي جوغ ولندما إلى سلطة كومبانيون، هذا سين شوز واضحة، هذا سين مبتدع. القسم الثالث تتخوزين كاتيغوري: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير. إن بدعة التبست عليه هو ليكون pour sunnah. إن مات يذكر بالخير. سليمان أودي الإمام سان إمام من أئمة السنة رحمه الله المسألة هي ستخبي. il aurait su, il aurait connu le dalil et il aurait compris la masala comme les autres savants qui l'ont compris, il serait écarté بإذن الله عز وجل. بقي s'il est vivant ماذا؟ نعم s'il est vivant ينصح. s'il accepte الحمد لله s'il accepte pas العلماء يعني يحكمون عليه par rapport à son erreur. قال الشيخ ربيع وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه فإن أصر فيبدع. s'il est vivant فالعلماء ils nous montrent si il continue et il accepte pas نصيحة إلى آخره فكما قال الشيخ ربيع la personne ne se précipite pas في هذا الحكم هذا إلى أهل العلم. هذا سكلام نفيس من كلام الشيخ ربيع حفظه الله. فنحن نسيتي توسع حتى ça explique plus ce qu'on avait dit sur l'erreur de l'imam Shawkani rahimahullah. On revient au dars. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين أي اختلفوا بينهم قال أو من التابعين لهم والمتقدمين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان. لا يجوز تقديم قول شخص على شخص, تقديم قول عالم على عالم إلا ببينة وحجة تفضل إلا سنة الدليل. مثلا يجين شيخ الإسلام إلى غزو dans cette مسألة لأن الله قال أيسيت لفرسي لأن الرسول أيسيت حديث هذا نعم. أما مجرد يا ديفيرجنس أوتوماتيكمون سي فلان لا غيزون باسكو كذا كذا كذا فهذا لا يجوز. قال أو فلان أولى بالحق من فلان. لا سان سافون سان سافون إلى دو علم إلى دو علم يفو الخير يفو الخير. لماذا فلان إلى غير بلوس غيزون فلان؟ لا سكي دو بارتاج سي الحجة. قال بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم والتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق. أنت tu reviens au kitab et à la sunnah. Celui qui a le haq, c'est lui sahib al-haq. Et l'autre, il s'est trompé. On ne prend pas son qawl dans cette masala. Et c'est un savant de la sunnah, on le respecte, on l'aime fillah ila akhir. Quand il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas de qudra, ils ne peuvent pas différencier. Khassatan, il y a des masailles, comme vous le savez, elles sont daqiqa jittan. Hatta, les talabat al-ilm, ils ne pourront pas mayiz. Le khilaf, il est qawi dans des masailles. Comment est-ce qu'il fait? أحسن يسأل من يثق به من أهل العلم يدمر صفو ما له إلا هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثلا يلابل عن نوت صفو et il lui demande, il y a un shir, les deux savants, ils ont divergé, et un âge, je ne sais pas comment faire. C'est quoi ? Il y a le qawl rajih avec le dali. Et le shir, le savant, il va lui expliquer. Qala, faman kana dalil al-kitab wa sunnah ma'ah, fa huwa ala al-haq wa huwa al-awla bil-haq. Qal, wa man kana dalil al-kitab wa sunnah alayhi la lah, كان هو المخطئ ولاحظ كلامه المخطئ نعم ودي مخطئ ولا حرج يا اوكمل ودي ان سافون سي ترومبي سا با دير كو سا ان ايغاري لا قال ولا ذنب عليه في هذا الخطا الان يبقى مدخل لماذا قال ان كان قد وفى الاجتهاد حقه سي سي اي في بارتي دال الاجتهاد اي لا دوني على الاجتهاد سو حق اي لا في لي فور اي لا شيرشي اي لا كونكلوزيون اي لا كونكلو كو مثلا cette chose c'est yajouz ou la yajouz et il s'est trompé هذا il est ma'dour لأن il a fait ce qu'il pouvait لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو sa capacité c'était هذا فإلا fait une fatwa par rapport à son اجتهاد هذا c'est aller l'اجتهاد أما celui qui ne fait pas partie d'aller l'اجتهاد فهذا لا هذا il ne parle pas بالعلم قال بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح أنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فله أجر واحد il est récompensé pour son effort. أما العالم qui répond juste فإلا deux récompenses l'اجتهاد qu'il a fait et la bonne réponse. قال فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ. أما الجاهل سي بار سو علم إلى آثم إلى آثم لأنه إلى parlé بلا علم إلى rentré dans une chose qu'il ne maîtrise pas. أما مثل هؤلاء إزو دو علم Et il parle bi'ilm. Lakin, ça arrive, les gens. Qala, walakin la yajuz li ghayrihi an yattabi'ahu fi khata'ih wa la yu'adhar ka'udhri. Mais l'alim, lui, il a fait un ijtihad, il s'est trompé. Il y a un dalil qui montre qu'il est récompensé. Mais celui qui est sur le khata, là, il y a juste là. Enfin, la personne, il ne dit pas, là, là, je suis l'alim. S'il s'est trompé, il a une récompense, moi aussi, abadan. Si tu le suis et tu connais l'erreur, et tu ne suis pas al-haq, fa t'es athim, li'annaka, t'as délaissé le haq. Qala bal wajib ala man adah min al-mukallafin, ayatruk al-iqtidabih fil khata, wa yarji' ila al-haq, alladhi dalla alayhi al-kitab wa sunnah. Al-muslim, il est ma'mour d'ittiba' al-kitab wa sunnah. Ati'u Allah wa ati'u al-rasul. Qala, wa idha waqa'a al-rad lima akhtalaba fihi ahl al-ilm ila al-kitab wa sunnah, kana man ma'ahu dalil, man ma'ahu dalil al-kitab wa sunnah, huwa alladhi asab al-haq wa wafaqa. Si la conclusion, il y a un khilaf, une divergence entre deux savants, et un des deux savants, il a un dalil, c'est lui sahib al-haq, c'est lui qu'on doit suivre. Ou alors il est plus jeune, ou alors il a moins d'ilm, ou alors il est moins connu, ou alors il a moins d'élèves, ou alors il a écrit moins de livres, c'est lui sahib al-haq. Lianahu, il a al-dalil min al-kitab al-sunnah. Et fil haqiqa, toi dans ce cas, tu suis al-Qur'an et sunnah. L'alim, lui, il t'a montré, faqat. Amma si tu rejettes le qu'on dit al-alim kal-haq, en vérité, t'as rejeté le kitab al-sunnah. قال وإن كان واحدا نعم تبث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد فتمتخ أن الحق إلي بابي الكثرة أبدا تبتخوبي مثلا أمة من الناس إسوا على خطأ. Tu peux trouver un autre, il est tout seul, et c'est lui sahib al-haq. Et si tu veux le haq, tu reviens à ce haq. Mais celui qui veut le hawa, c'est autre chose. Mais celui qui veut le haq, le haq il est موجود. La tazal ta'ifa min hadhihi al-umma ala al-haq. Tu اشتراف الكثرة هذا لا لا ينبغي. وللأسف c'est منتشر. Celui qui a pas silah al-ilm, il n'a pas les moyens de radjah, كثير منهم ils penchent ila hada. Ils croient que plus ils sont, plus le haq il est واضح. Là, si y a khilaf, aslan, c'est que la masala demande un bahth. Si tu penses que c'est évident, tout le monde ils ont raison, et qu'est-ce que tu fais de notre cheikh, l'âne qui est tout seul? Peut-être que le cheikh il a vu quelque chose que les autres ils n'ont pas vu, qu'il a compris quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Allah il a wafak, les autres il ne les a pas wafak. Anta donne l'importance au ilm. Celui qui donne l'importance au ilm, ça ne lui fait aucun mal. Le cheikh il est tout seul et ils sont 10 000 là, ça ne lui fait aucun mal. Léana lui, addam l'ilm. Anta addam l'ilm, tu verras que al-katra, ça ne te fera rien du tout, abadan. Si cette katra, elle khalif al-dalil. Mais si la katra elle est à la dalil, fa tayyib. قال إن كان واحدا أي صاحب الحق والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ أي أخطأ الحق وإن كان عددا كبيرا ولو يصبكوا ولو يصبكوا يسوا على خطأ قال فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدى به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره واحد دي مثلا يا خلاف بين أهل العلم يدي لا الحق إلى بك فلان alors que c'est l'autre qui a le dalil لا يجوز له et c'est pas un طعم on le répète نحن il n'y a aucune critique fait à ce savant qui se trompe أبدا أخطأ il n'est pas معصوم بالإجماع قال إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم c'est un jahl عظيم de délaisser الكتاب والسنة et penser que فلان c'est lui qui a le حق alors que الكتاب والسنة il est avec un autre c'est من الجهل العظيم c'est من عدم تقدير العلم on doit donner l'importance نحن à كلام الله كلام الرسول l'importance qu'on donne à un شيخ تقدير العالم c'est بحسب اتباعه c'est بحسب موافقة الحق نحن l'importance qu'on donne à شيخ فلان من أهل السنة on leur donne l'importance إلا par rapport à ce علم فسي خالف سعيد استخوف نحن لا نزال avec سعيد ou qu'il soit il soit avec un autre شيخ فنحن on essaie de suivre الحق دائما قال وتعصب ذميم التعصب c'est s'entêter et délaisser le حق الآن c'est quoi qu'empêche cette personne maintenant si on lui dit شيخ فلان il s'est trompé il y a un autre شيخ il a parlé il a cité la fatwa maintenant et il a cité un dalil من الكتاب ou la sunna il a cité أقوال الصحابة c'est quoi qui l'empêche à revenir sur قول Il ne peut pas délaisser le qawl de Cheikh Fulan. Il le suit aveuglément. Nous, on lui pose une question. Est-ce que ton Cheikh, maintenant, il peut se tromper? La Cheikh, il va répondre oui. Voilà, c'est une parmi ses erreurs. قال وخروج عن دائرة الإنصاف بالمرة. الآن il est pas juste. الإنصاف c'est le fait de reconnaître que le حق il est avec celui qui a un dalil من الكتاب والسنة. C'est ça العد. Celui مثلاً qui reconnaît pas, il n'a pas d'insaf. C'est pas juste là. Un alim, il a montré بالكتاب وبالسنة, il a montré بطريقة السلف une مسألة précise. Si la personne ne revient pas, il n'a pas d'insaf. قال لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق. هذا معروف عند أهل السنة. C'est pas la personne qui fait le haq. Si c'est la personne qui fait le haq, tout ce qu'il dit c'est haq. Cheikh Al-Albani, مثلا, rahimahullah, c'est pas son corps lui-même qu'il faut suivre. Là, nous on aime et on suit Cheikh Al-Albani dans Katir Min Al-Masail, c'est un radio, il est à l'ail. Il fait partie de A'immat Sunnah. Lakin, si on pense que c'est son corps le haq, tu dois prendre tous ses aqwal. هذا لا لا يقول به أحد. Ça c'est منزلة الرسول. أما العالم c'est par rapport au dalil. Si son كلام il a un dalil, son كلام il est حق. Si son كلام il n'y a pas de dalil, son كلام il n'est pas حق. فالحق لا يعرف بالرجال. أما العالم هو يبغى تكسبيكي فقط. أما tu penses que c'est العالم يعني tout ce qu'il dit يعني c'est حق même s'il خالف un dalil, فهذا أبدا. فالحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق. قال وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم. هذا بالإجماع أنه يا بخسن كمعصوم أطار للبروفة عليهم الصلاة والسلام. معصوم ça veut dire il ne peut pas tomber dans l'erreur. On conclut quoi? Que l'alim il peut tomber dans l'erreur. فأنت الآن si une erreur claire, Alam il s'est trompé dans ce message là, t'as un autre savant qui te montre avec un dalil, t'as pas le droit de suivre ce savant qui est dans l'erreur. قال ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب. انظر comme c'est simple عند العلماء. الإمام الشوكاني الآن il simplifie la chose. Si t'es d'accord qu'il n'est pas معصوم, on est tous d'accord, est-ce qu'il peut faire une erreur? Oui. Tu dois jamais تستبعد الخطأ. Maintenant on dit Cheikh Fulani s'est trompé, pour toi dans ta tête c'est impossible. Alain, la mas'ala, c'est emmène-nous le dalil comme quoi il s'est trompé. S'il emmène un dalil et nous emmène des autres paroles de savants, yani qui montrent le haq, il avait raison, il s'est trompé. Qala fayusib tara wa yakhti ukhra. Un jour il a raison et un autre jour il peut se tromper. Voilà ce qu'on a à l'alim sunnah. Ces erreurs elles sont beaucoup moins que les avis qui donnent, les avis justes, la chakal. Lakin l'imam Shawkani il te montre que le khata il peut arriver. قال ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة. Comment faire pour savoir si c'est trompé? الرجوع إلى الكتاب والسنة. On a expliqué quand يقول قائل أنا j'ai pas les moyens de comprendre le kitab والسنة. Tu reviens à notre savant et t'explique. قال فإن وافقهما فهو مصيب وإن خالفهما فهو مخطئ. أي إن وافق الكتاب والسنة. فإن مصيب. إذا خالف الكتاب والسنة إذا مخطئ. قال ولا خلاف هذه الجملة بين جميع المسلمين. أولهم وآخرهم. انظر إجماع المسلمين على هذا. لكن المشكلة أحيانا في العمل. أحيانا الهوى الغاض لينيرفمون يغون لا فيغتي الغاض. بعض الناس يبيرد الإنصاف هذا. Il est plus juste. Il s'énerve que pour te contredire toi. Pourquoi tu dis Cheikh Fulani s'est trompé? Ya akhi, l'insaf, on parle de din, on parle pas des choses de dunya. J'ai pas d'intérêt, t'as pas d'intérêt. Nous deux on veut le haq. La yajouz, la personne il s'emporte. Il rejette le qawl hakada. أحيانا مثلا بعض الناس يرجد أقوال il sait même pas le qawl il est basé sur quoi. Il sait pas. Lakin il le rejette. Hawa. Imma énervement, imma fierté, imma il aime pas la personne. Al-an, ça c'est adam al-insaf. T'as pas le droit, yuhal muslim. Tu dois mettre ta hawa de côté et tu demandes c'est quoi ton dalil. Si tu expliques avec dalil, il cite des paroles de savants, t'es obligé de prendre. Celui qui veut délaisser le hawa, c'est hada al-tariq. Qala ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. قال كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم. لأن هذه الشوز لا بد تعرف. أي ستوميتودولوجي لا بد تعرفها. سلوك لا كوني با فإلي بعيد عن العلم. قال وأحقر ناس من العرفان ومن لم يفهم هذا يعترف به فليتهم نفسه. صحيح. Celui qui ne comprend pas hadith l'humour ou la y'arif hadith l'humour, fallait taïm nafsa. Il doit commencer à se poser des questions là. Tu prétends être un musulman, tu prétends aimer ce ilm, t'es où par rapport à ces humours? Qala wa ya'lim annahu qad jana'a ala nafsihi bil khawd fi ma laysa min sha'nih. Wa alladhi yakhud fi shay la yafhamuh أو لا يعلمه يأتي بالعجائب. Celui qui rentre dans des choses qu'il maîtrise pas, tu verras qu'il viendra avec des عجائب, des choses bizarres. دائماً. Il va rejeter des choses claires. Il va accepter des خطأ واضح. Il يتخبط un coup à droite, un coup à gauche, إلى آخره. لماذا؟ لأنه il rentre dans des choses qu'il maîtrise pas. Ça c'est une faïda pour toi, أيها الطالب. Si tu maîtrises pas, rentre pas. الله أعلم, je sais pas. Étudie la مسألة. Les forces que certaines personnes y perdent. قيل قال on m'a dit j'ai entendu d'après. Mets-les-toi, recherche. Parle pas. Fais des recherches. Appelle, demande, إلى آخره. Tu verras que tu auras la solution. أما الخوض, tu perdras tes forces et à la fin, والعياذ بالله, ça peut être une cause d'égarement. الخوض c'est le كلام بالعلم. هذا c'est من أعظم أسباب الانحراف. والعياذ بالله. قال والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه وعليه أن يمسك قلمه ولسانه. الإمام الشوكاني الآن يدون دي كونسي. Si t'as pas le niveau, tu sais pas, إلى آخره. الإنصاف, la justice, sois juste avec toi-même et avec les autres. Et la modestie, ما أدري, je sais pas. فلان يدي لكن, tu penses quoi? الله أعلم. Comment tu me demandes qu'est-ce que je pense? J'ai pas de علم. Demande à أهل العلم. Enfin, si la personne ne sait pas, فلا يقحم نفسه dans une chose qu'il sait pas. Il se fera du mal. قال وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ويشتغل بطلب العلم. الإمام الشوكاني en quelques phrases il donne la solution à beaucoup de problèmes. الآن tu trouves بعض الناس والله il a du mal à lire الفاتحة. بعض الناس والله il connaît pas جد عمه. بعض الناس il sait pas lire l'arabe, يعني il est بعيد عن العلم. Tu le trouves, il rentre dans des مسائل qu'il maîtrise pas, il se fait du mal et il fait du mal aux autres. Il aurait délaissé tout ça et طلب العلم, il aurait les clés pour comprendre beaucoup de choses. Et il ferait du bien aux autres. Amma hakada, il fonce et il se fait que du mal. Il fait du mal aux autres, il asaf. L'imam Shawkani, il te montre. Il parle pas à droite, à gauche, je pense pas. Tu verras que beaucoup de choses tu comprendras. Tu comprendras pourquoi Fulan s'est égaré. Tu comprendras pourquoi cette masala est haram. Tu comprendras pourquoi cette chose c'est une bid'a. Tout ça tu comprendras avec l'ilm. L'ilm, tu auras des outils. T'as aucune base, t'as aucun as, t'as pas d'ilm, t'as pas de hid. Comment certaines choses tu les comprendras pas? Fulan il va dire Fulan c'est un mubtadi', tu pourras pas comprendre la hawa. Là mais Fulan il le suit. Non mais Cheikh Fulan il a dit. T'as pas les outils, t'as pas l'ilm. C'est comme si tu jettes un had, il sait pas nager dans un lac, dans une piscine, dans un cadavre, tu le mets au milieu, il sait pas nager. Ou alors il a une bonne niya, ou alors il veut sauver sa vie, il pourra pas. Hakada, celui qui rentre dans une chose qu'il maîtrise pas. Ou alors il a une bonne niya, il se fera du mal. Fahada, tu l'ensah. Tu l'ensah bi talab al ilm. Et il y a truc à hadil umur. Hadil umur, elle a des ulama. Elle a des tollab im yafhamoun, elle a des du'ad, des mashaykh, ils comprennent ces choses. Amma, t'as reste à ton niveau. Ça veut pas dire tu prends pas le haq, là. Lakin, c'est pas toi qui vas juger. Comment tu veux trancher entre une chose et t'as pas les connaissances? Alim va dire Fulan c'est un mubtadi'. Un autre chir va venir là c'est pas un mubtadi'. Anta si t'as pas l'ilm, tu peux pas parler. Qu'est-ce que tu vas trancher? Si tu dis Fulan a raison, ça veut dire que l'autre il a pas raison. C'est quoi ton dalil, il a pas raison? Si l'inverse, c'est quoi dalil pour l'autre? Wahakada, tu t'en sors plus. An-nasiha c'est bi talab al-ilm. Talab al-ilm c'est sabil kulli khayr. Lakin avec des efforts. Et crois pas akhi, tu vas tout comprendre du premier jour. Abadan. كذلك ne sois pas étonné que tu comprends pas certaines choses. قال ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها الى معرفه الكتاب والسنه وفهم معانيها والتمييز بين دلائلها ويجتهد في البحث في السنه وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها وينظر في كلام الائمه الكبار من سلف هذه الامه وخلفها حتى يهتدي بكلامهم الى الوصول الى مطلوبه. Si on se pose la question, est-ce que ça prend du temps? Imla, la shak. Le Coran, yajtahid fi sunnah, les paroles des savants. Kadhalik, il doit avoir les outils. Shay min ulum al-ala, des qawaid dans l'usul, fil mustalah, est-ce que ce hadith il est da'if, il est sahih? Tout ça, ça va lui demander du temps. Ce temps, il ne doit pas beaucoup parler. Si, avant d'avoir fait ça, il parle beaucoup, i'lam annahu, il n'est pas ala ilm. Et il peut s'égarer très vite. Si tu jtahed du fajr jusqu'au isha, tu vas voir que ça te prendra énormément de temps. En fait, haqiqa, la personne ne doit pas beaucoup parler. Sabr ilm, agis, ihfad, tu vas voir que tu avanceras. Ou alam, que si tu parles beaucoup, tu ne pourras pas faire hada. Matalan, du isha jusqu'à 2h du matin, niqaj bila ilm. Tu verras qu'au fajr, il ne sera pas prêt. Il sera trop fatigué. Il y en a, la personne n'a qu'un cœur. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Donc un cœur. Si ce cœur il est coupé par le qil ou le qalb, tu ne pourras pas apprendre le Coran. C'est quand tu vas apprendre, c'est quand tu vas réviser, c'est quand tu vas sam'a, c'est quand. Enfin, la personne il prend ma yamfa'u. Et délaisse à hadi l'umour. فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمنا ندم على ما فرط فيه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم. Si il applique pas هذا, il regrettera. Peut-être que tu regretteras, ça sera trop tard. Peut-être que tu comprendras plus. Peut-être que tu n'auras plus le temps. Peut-être que tu seras occupé, tu n'auras plus le temps à donner au ilm et à l'akhir. Ça sera regret sur regret. Akhi al-Karim, apprends. Rentre pas dans des choses que tu ne maîtrises pas. Si il y a le haq, prends-le. Mets l'inat de côté, mets le kibr de côté et tu verras, tu seras à la khayr. قال وتمنى انه امسك عن التكلم بما لا يعنيه. صحيح. كم من انسان il parle ثم يندم. والله il regrette d'avoir sorti cette kalima. لكن الكلمه اذا خرجت خرجت. C'est fini. C'est comme une personne qui tire avec une arme. La balle elle est sortie, خلاص, elle a fait des dégâts. ولو tu fais tawba, peut-être que tu as tué une personne. الكلام c'est هكذا. فامسك عن الكلام. Si tu es bilaïl, ou tu as un doute, tais-toi, ahsan lak. Tais-toi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qala wa sakata wa tamanna an amsaka 'an at-takallum bima la ya'nihi wa sakata 'an al-khawd fi ma la yadrihi wa ma ahsana ma addabana bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima sahha 'an min qawl rahimallahu imra'an qala khayran aw samat. قال الشيخ عبد المحسن لم أقف عليه بهذا اللفظ رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله ولفظه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث أبي هريرة معروف تقدم معنا. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الأمور الإنسان ما عنده قدرة. C'est pas tout le monde qui peut parler dans certaines masail. قال رحمه الله هذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه. قال وشغل نفسه بالتعصب للعلماء وتصدر للتصويب والتخطئ في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه ولم يقل خيرا ولا صمت فلم يتأدى بالآداب أو بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شكم خوانت الآن لكوز دل فتن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال شغل نفسه بالتعصب للعلماء وهذا لا يجوز له. لا لابد من التجرد للحق والإنصاف. Comme il a expliqué le même Choukani au début de la Risala, tu n'as pas le droit de faire passer le qawl d'un alim, d'un savant, sur la vie d'un autre savant, illa bi dalil. Amma ta'assoub, c'est bila dalil. Qal wa tasaddara li taswib wa taqti'a. Alors qu'il n'a pas la capacité. Fulan, il a raison. Fulan, il s'est trompé. Cheikh Fulan, il s'est trompé. Cheikh Fulan, celui qui a raison. Hada labud min mizan. Tu es obligé d'avoir des outils pour savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a faux. أما بدون علم celui qui parle fa comment il rajah c'est quoi comment il fait. Prends l'exemple de al-hadith an-nabawi. C'est pas tout le monde qui peut sahah dire ce hadith il est sahih, ce hadith il est da'if, ce hadith il est munkar, ce hadith il est mawdou'. C'est pas tout le monde. Hada labud des outils, labud min ilm. Fa les autres masail nafs al-shay. Fiqh, cette chose elle est halal. Un autre il vient et dit cette chose elle est haram. Pour distinguer, pour savoir qui c'est qui a raison, la bout de l'ilm. Si tu ne sais pas, Allahu a'lam. كذلك الجرح والتعديل كذلك جميع المسائل. C'est des علوم شرعية فلا بد من علم. قال في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه ولم يقل خيرا ولا صمت. هذا il n'a pas dit خير لأنه il parle بلا علم et il ne sait pas tout. هذا لا شك il a خالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. والخير اللي مبني على علم. إما tu parles بعلم une chose que tu maîtrises أو ليصمت. هذا c'est ça الأدب. لكن ce qui nous fait du mal نحن أحيانا c'est qu'on pense qu'on est responsable. مثلا il y a une مسألة خلاف وبعض الناس ممكن يتخبطون يسافلوا comment faire. Tu trouves واحد il se sent responsable. Il parle alors qu'il n'a pas de علم. Personne t'a rendu responsable. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala il est arham bil ibad. Fi hadha al hal la tukallif nafsak. Je sais pas. Si tu veux rendre service à la communauté et à toi, طلب العلم. بعض الناس il s'impose et on dirait que les problèmes de la communauté ils sont sur ses épaules. Il parle. لا ايفيتي سا فيت سا وهو يبارل بلا علم وهذا سي خطير جدا لان توا تي با بارلي ان دوزيام يفا فينير يفا بارلي ان ثوازيام يفا فو كونتروديير لي دو سا ديفيز لا امه اما كل واحد الله اعلم شو كي سي با اي اون روفيان توس اهل العلم اي اهل العلم سي سون ديفيرجونس اون برون لو قول كي افيك دليل Et on fait tout pour trouver la réponse à le qu'avec avec Dalil, ça ira beaucoup mieux. Et la modestie, le bon comportement, il veut du bien pour son frère. Le but, ouais, c'est pas j'ai raison, je fais tomber l'autre, abadan. La personne, il fait attention, ne t'impose rien, ya akhi. Il y a au-dessus de ta capacité. Ne t'impose pas. Tadkuru, al-marra, on avait lu Risala, yani fi al-ruqya. أذكر أن أبي مع بعض إخوة يعني أسئلة للشيخ ربيع حفظه الله ومن الأسئلة أن واحد إلى بدي يا شيخ طبعا الرقية يا بدي مخالفات يا بدي شوز بيزار dans cette رقية ils ont posé la question à الشيخ ربيع إلى آخره الشيخ ربيع حفظه الله il leur a répondu أنه suivez السنة كذا كذا واحد il a posé la question a dit يا شيخ لكن si on les délaisse ils vont aller voir les sorciers ils vont كذا الشيخ ربيع حفظه الله غضب سينوبي contre la personne il a dit اتق الله Qui c'est qui t'a imposé un tas? Ils vont au Sahara ou ils vont pas? On va empêcher les gens d'aller voir les sorciers avec le batel? Avec le jahl? Abadan. Imma t'as du ilm, parle. Si t'as pas d'ilm, on te l'obl ilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Si tu parles pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera qu'une personne de science, il parlera. Bi'idnillah. Yaqoum al-hujja ala ha'oula. Ama andur, il s'est imposé. Comment on va laisser les gens s'égarer ila akhiri? من كلفك إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء. Ça c'est un exemple pour vous montrer que بعض الناس ils s'imposent. حتى أحيانا tellement qu'ils s'imposent, ils font des مخالفات pour soi-disant guider فلان أو فلان. لا يجوز لك. الدعوة التوقيفية اللي بالكتاب والسنة. إما تدعين tu parles, إما tu sais pas. فالله أعلم. Si ça te fait mal de voir les gens s'égarer, si ça te fait مال de voir مثلا فلان n'a pas compris, اطلب العلم. تنفع نفسك وتنفع بإذن الله غيرك فسا الطريقة قال رحمه الله وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين كسكي ستا فيخسى من القرآن الكريم قال الله عز وجل قال الله عز وجل إذا تزعمتم في شيء إذا تنازعتم إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه فردوه إلى الله ورسوله أحسنت زد عن الدرس أحسنت فإن أحسنت si t'as compris ça hein si une personne y pense qui peut connaître le haq s'il y a une divergence entre les savants sans revenir au kitab et à la sunna tu sais qu'il contredit les versets qu'on a cités il contredit l'ijma il contredit les hadiths du prophète sallam dans cette mas'ala mukhalafat nabi sallam c'est pas bil amr al hayyin on a cité le verset fa liyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim qala fanzur arshadaka allah ila ay jinaya جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل الجناية سان كريم بسبب الكلام بلا علم انظر الجناية على نفسه قال وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش وأي بلية جلبها عليه القصور والتقصير لأن سي الخلاف إلى غيف با أتخوش بالحق Et s'il parle du bâtel, c'est à cause de lui. Mais là où il était moqassir, il n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Il aurait l'ilm, il aurait fait les efforts, il n'aurait pas fait cette faute. Aïe, Fulan il a raison alors qu'il n'a pas de délit. Ou Fulan il s'est trompé alors qu'il n'a pas de délit. Tout ça c'est quoi? C'est taqsir fil ilm. Ou da'f fil iman. Là où il parle de la ilm. فهذا هذه انتهينا من هذه المقدمة الآن الإمام الشوكاني رحمه الله il va citer un exemple et c'est la رسالة qu'on va étudier l'exemple de القبور ومن هؤلاء العلماء الذين بينوا موقف المسلم من الخلاف من خلاف أهل العلم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقال في مجموع الفتاوى المجلد السادس والعشرين مجموع الفتاوى لفوليوم 26 وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع ça c'est un kalam muhim. ليس لأحد personne n'a le droit يحتد بقول أحد في مسائل النزاع. T'as pas le droit. Maintenant, on est en divergence. J'ai pas le droit de vouloir imposer mon avis à Abdelmalik et je lui dis Cheikh Foulan il a dit. J'ai pas le droit. Léana lui aussi va me dire Cheikh Foulan il a dit. Hada, on n'a pas le droit. Léana, comment tu veux prendre la parole d'un savant comme Hudda et Yakhilaf? Le haq il est un. Al-an, les savants ils ont deux paroles. Comment on fait? Bah, c'est impossible, Had. C'est impossible. Comme a dit le majeur organiste, celui qui a le minimum de ilm et qui a un aql, la raison, sa raison elle est mustaqima, il comprend ces choses. Léana, la parole d'un autre, elle ne passe pas avant la parole d'un autre. Maintenant, pourquoi Cheikh Al-Albani il aurait raison dans cette passage-là et Cheikh Al-Utaymin il aurait tort l'imad? Ou l'inverse, Cheikh Al-Utaymin il a raison et Cheikh Al-Albani il a tort l'imad? Bi ay haq? C'est un savant, c'est un savant. Il a du ilm, il a du ilm. Il veut le haq, il veut le haq. Bah, on ne peut pas trancher avec le qawl un des deux faqad, sans dalil, abadan. قال وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسألة النزاع إنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك هذا. ثم قال شيخ الإسلام إن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ تقدم معنا دليل بذاته لكن الدليل هو بذاته والقرآن سنة. أحسنت. فلو لا parole du savant si خالف الكتاب والسنة أحسنت هذا. فلو الدليل c'est pas la parole du savant. لا, le savant il peut se tromper. Il peut dire ça c'est une bid'a et c'est une sunna. Il peut dire ça c'est une sunna et c'est une bid'a. Enfin, si la parole du savant elle est en accord avec le dalil, enfin, c'est une fatwa sahiha. Si la fatwa du savant elle n'est pas en accord avec le dalil, il sera trompé ce savant. هذا. هذا. وقال الإمام هذا صاحب شرح الطحاوية الحنفي رحمه الله قال في كتابه الاتباع قال وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقين. هذا كلام طيب. يتمضح الآن أن la bonne réponse de qui a خلاف elle n'est pas forcément avec Fulan. Obligatoirement c'est Fulan qui a raison. Et l'erreur c'est toujours Fulan. Obligatoirement Fulan il a tort. أبدا. قال ومن اعتقد هذا فليراجع عقله. Ibn Izz dit celui qui a cette croyance, il croit que Fulan a toujours raison et Fulan il se trompe dès qu'il y a un khilaf entre savants. Fulan il a raison et Fulan il se trompe. Hakada sans dalil. Ibn Izz il a dit فليراجع عقله. هذا faut qu'il revoie sa raison. Est-ce qu'il est عقل ام لا. قال فإن هذه غفلة عظيمة. صحيح, c'est une غفلة. قال وإذا كان الأمر كذلك فما منا إلا وقد فاته الصواب ولو في مسألة قد خالفه فيها غيره. N'importe quel savant, la boute, il s'est déjà trompé. Et un autre, dans cette erreur, il a eu raison. Ma dalil ala hada. Si un savant il s'est trompé, automatiquement il y aura un autre qui a la bonne réponse. Ma dalil ala hada. La tajtami' ummati ala dalal. C'est impossible que l'umma tajtami' ala khata. Comme a dit le Prophète, la tajtami' ummati ala dalal. Si un savant il se trompe, l'autre il aura raison. Wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam la tazal ta'ifa min ummati ala al-haq. Daiman il y aura un groupe de la communauté ala al-haq. Daiman. Cette situation qu'il a donnée, l'ibn Abi al-Ayn, ce savant, walaw il a un rang élevé, la chèque qu'il a déjà pu se tromper. Fa anta, dans le khilaf, ça peut être cette erreur. Amma tu pars d'avance là. Cheikh l'Islam il a forcément raison. Hada c'est khatir jiddan. Lianna c'te makana c'est makana t'en nabi alayhi sallam. قال ولو في مسألة قد خالفه فيها غيره فحكم بها وأفتى أن تكون تلك المسألة هي التي أخطأ فيها إمام فعليه أن يعرضها على الدليل. Cette fatwa, on la compare ou on sait du Coran et de la Sunna pour voir est-ce que la fatwa elle est bonne ou pas. Avec la croyance que la fatwa, elle peut être, ça peut être une erreur. Et ça peut être une bonne réponse. Enfin, ce qui va trancher, c'est le kitab ou la Sunna. قال ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم. هذا كذلك عند الخلاف il regarde pas que ceux qui sont en accord avec lui. مثلا أنت tu vois que cette chose c'est une bid'a et il cite les savants Cheikh l'Islam Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, et il cite il dit là, c'est ça. Un tâche le fait là, qu'il le masala y a khilaf, un délit, le prophète il dit qu'à lui, dit là, qu'il tout c'est ça. Bon, là, là, regarde les autres. Et tu verras peut-être que eux, ils ont eu le sawab. Peut-être qu'un dalil que les autres, ils n'ont pas. Ou une chose que les autres, ils n'ont pas compris. Amma, le khilaf, et tu prends que ceux qui sont d'accord avec toi, et tu crois khalas, t'as raison, là, c'est pas hakada. قال لأن أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق المذموم. ابن أبي العز يتمنطق أن on a été ordonné de revenir au kitab et à la sunna. Vu qu'il y a des personnes qui reviennent pas au kitab et à la sunna, il est entêté au madhab hanbali, il est entêté au madhab maliki, il est entêté à Cheikh Fulan. On n'arrive plus à avoir les mêmes sources. Quelle est la division? Ça c'est à l'époque d'Ibn Abi al-Izz. ما بالك الآن؟ هذا الكلام راجعوا في كتابه الاتباع. قال الإمام أحمد رحمه الله رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عنده رأي أو كل عنده رأي وهو عندي سواء. إنما الحجة في الآثار. لافي دو الإمام الشافعي، لافي دو الإمام مالك، لافي دو الإمام أبو حنيفة. C'est des avis. Al-An, il parle un avis, un ra'i. Aïe, c'est un avis, il a fait un effort. Il n'y a pas un délit clair, mais il a fait un effort et son avis, c'est kada. Il dit, Anna, mon avis, c'est kada. Al-Imam, Ahmed, il dit, pour moi, c'est tous des avis. Il est tous d'être un Shafi'i, il a pu avoir raison, il a pu se tromper. Abu Hanifa, il a pu avoir raison, il a pu se tromper. Innam al-Hujja fil athar. Il te montre un al-Hujja, dire, Fulan, la raison, c'est bil athar. Est-ce que l'imam Ahmed ne respecte pas Haoula? Abadan. Enfin, il les respecte jittan, là, qu'il te montre. Anna, leur avis, si ils contredisent un hadith, ou ils se sont trompés, enfin, avec le haut rang qu'ils ont, on les respecte, là, qu'il al-Hujja, elle est fil athar. Elle est fil hadith al-Nabi, alayhi sallam. Enfin, هذا موقف السلف من الخلاف. أما الزمن qu'on vit نحن انتشر في التعصب كثيرا. لماذا؟ لأن العلم n'est pas منتشر. بعض الناس ne comprennent pas هذا. بعض الناس ils croient que si tu prends pas la vie de Fulan, tu l'aimes pas. Ou tu respectes pas. إلى آخره. نختم هذه المسألة بكلام الإمام ابن عبد البر. كلام الإمام أحمد ذكره الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والقول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. Le قول il est pas forcément juste parce que la personne qui le dit c'est une personne de haut rang, un grand savant il a fait. Lui c'est un fadl, c'est من أولياء الله. نعتقد ذلك c'est un savant de la sunna. لكن l'erreur et le fait qu'il ait raison c'est autre chose. هذا c'est par rapport au dalil. قال إنما يصح بدلالة الدليل عليه. ونقل أثر عن الإمام مالك رحمه الله ابن عبد البر قال قد ذكر ابن مزين كان ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه. L'imam Malik, il dit, c'est pas, je suis toutes les paroles d'un savant, walou, s'il a un fat. L'imam Malik, il sait que le savant, il peut se tromper. La yutaba ala kulli shay, le savant, tu le suis, fil haq. S'il s'est trompé, suis un autre savant. Et tu auras toujours un savant qui te montrera le haq, daiman. Hada, c'était muhim, qu'on cite hada fil muqaddimah. Fa, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-an, nabda. في كلام الإمام الشوكاني يذكر يعني هذه المسألة رفع القبور. قال رحمه الله وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبين المصيب من المخطئ. الإمام الشوكاني nous a montré comment faire face à la divergence إلى آخره. Le but c'est que tu distingues l'erreur de la bonne réponse. C'est ça le but. Le but, c'est pas de faire tomber Fulan. Oh, je prends le dessus. Oh, j'ai toujours raison. Ça, Oudoubillah, c'est pas une bonne niya. Le but, c'est que tu saches le vrai. La bonne réponse de la mauvaise, attends, tu suis la bonne réponse. Et tu conseilles. Ya akhi, fais pas ça, c'est une erreur. Ya akhi, je te conseille ça, c'est ça, c'est sunna. C'est ça le but. Qala, wa man biyadihi l'haq, wa man biyadihi ghayruh. Qala, hatta ta'rif l'haq, hatta ma'rifatih. بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح. Ça te montre que tout ce qu'on a cité, ça fait trois jours l'un, تقريباً, ça va te servir بإذن الله toute ta vie, dans toutes les مسائل de خلاف. Je sais comment faire, t'as une méthodologie. قال فضلاً عما لم يكن له بالعلم نصيب ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحا لما أمليناه هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا أي مسألة رفع القبة. هو إذا شوزي cette مسألة إذا شوزي cette مسألة لأن à son époque il y a une grosse fitna خاصة كما قال dans son bilad اليمن. تعلمون أن الشيعة ils sont كثير الزيدية ils font partie de الشيعة الصوفية كذلك ils ont هذه العقيدة والعياذ بالله construire sur les temps. Et cette fatwa أهل الضلال وأهل الفسق العصا كثير منهم ils prennent les fatwas selon ses passions. بعض الناس الآن ils ont trouvé cette fatwa de هذا الزيدي الإمام الشوكاني il est obligé de payer. Celui qui veut le haq il le prend, celui qui ne veut pas الإمام الشوكاني il a fait son devoir de عالم montrer. Et أنت تستفيد que si tu vis dans un endroit ou une époque où maintenant il y a une masala khilafiya où il y a un char qui s'est propagé avec ilm. Et après celui qui suit, suit. Alhamdulillah, celui qui ne sait pas, alhamdulillah ala kulli hal. Anta t'as fait ce que tu avais à faire. قال خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى. Et ça vous montre aussi que quand il y a une fitna ou il y a un char, al-ulama yaruddun. قال وهي مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. وهذا دمى بإذن الله أغطخ در الرسالة. On a mis du temps في المقدمة لأن لا مهمة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.